bete bema e pa e lika sa jani na kuma bolunga motema na koti pe masama na bati pe bangunga Suka suku lobini legos na yato na kontinye kozila Suka suku lobini legos na yato na kontinye kozila Amata wangumba na kota wazamba ambandate Na wakutu eiko mazemi kuse Na wampongi eiko ma 3 heures du temps Nouvelle monotonie, élégance. C'est elle que j'aime. L'élégance. C'est elle mon choix. Dame et opéra, valina, va vocation. La coma couprèche. La bonne parole. Élégance est une langue à la WhatsApp. Sourire na yo yantongo ya lelo Soki obo usaniti nata ya mpokwe Suka suko lobi nini legos Onea tona kontine koza yo Ani nyanza mapeza wa mbo wapoka zoe Nana kakara kima tena mbo mge kima kanga Nako mbo vye telefone na muna tepe mke Sabina mbo mbo sele ya soko mbo na mbo bebe Bonjour, mon fruit de mer, je t'aime. Elle est douce, c'est elle que j'aime. Élégance, beauté, la bambagane, la matrice. Sous ma monie, baga d'accord, qu'il nous a Tu apostes, ma tu alia chère. Soi bien à ma courrier, soi bien à ma colis. Bani a outil dans la guérite, t'es pas à ma surprenant. Bani a réunion, soi qui m'a fou basse, rincé l'œil. Ma coma va comme à vos secs, et ma coma qui n'a pas oublié la vie. Et bana qui n'est une autre boule, moi, ma élégance. Rétélis sa pommée, au milieu, il m'a Juliette. Bolingo, yombo, kamo, une triste longonie. Yadisse, bana qui n'est une sans à la langue. Lelo eti kalisi kwa lawe mreboti mapapu Naina mboye bele ya bama bala Mpo na kozele elegance Iko lele kikutuba sanza mpepa mvula Yozo makate na wali kumbevali ndenzoto Tusinde mine vya mrako banda mwe yotuki Yola tisa na ibebo mwana Pili ya ulimu Elo mokwe mimi buti tukati anzote Na kuma kubangala ya kukufavoye Taka mpone tungu mabingi kumbu bulimwe Yaka umona ndingwe bulimwe zusa la genocide Ngombo neti nga mga lule mneti nsoye Diagnostika boko no izuri nga psansi elegance Zomba na kumi migran Mazangi terre d'asile Malili meli Elegance elega Mwana wa solonja Zali yanga mokombo Soki osala kimboka elegance Nalinga ki o change nationalite Nalinga ki o change pe passeport Nakoma nanga yele danse Nakoma nanga yele danse Te me soumettre a tes lois Sa va de soi Yele danse ki tokwe Yele danse ki tokwe vek excedant Et comme nous sommes dans Zélandzela, Rokola l'osso n'a moutou y'a porteur, Basi ouyo bas un problème y'a beauté, Baloko tabami pa kola manzoto, Bako ma belle. Il est comme ça, Nzambé Salakiri, Na heure ouyo na paradis agitation, Prema kelele nyoso esilaki ye Asalaki yo maleme maleme Alati lunette tete ya ba diamante Tango ba certifia ta valeur ya diamant Sousi na ye ou du malin parfait Lelo se termo ton nyoso aza convaincu Perfection is a domaine privé en zambi Elegance aux approuvés à perfection en zambi Banula boutique en baïna liamouma Adalia qui simple pomme ya eva On prend un paradis où élégance aux ala quitté Arata mon goustan Arata sucre ya mila isobe Arata maracuja Arata mayam pono ya maïmaye Arata muselu yu ya dongo dongo Arata muwe sangana na bulolo Via dambu imi galianite Aliaga simple pomo Bamangusta bani wani na lianite Kwa mimi kudu wa kirevet ba wito Watachali kumi sabiku wani ya mkana Yo chie konfli entre gouche ino vatamu Azoe la yoye Yozala et Géry na Bango, basa la bénéfice, la concurrence de Apple, la Google, une élégance, élégance commise à ta bureau, petit à confiance, oui, à signer la crayon sac, maman aussi pour élégance, ce qui est à l'île, basa la paiement, nous que vous mettez à l'école, la banane, ma de tartine, un peu au chocolat, La carte bleue Élégance élégante en gabou Moi la maman soulonge aux lèvres roses officielles Mais y'a ouais la montée, ma l'amour est toujours en cours Ton amour élégance dans mon cœur pour toujours Ton amour élégance n'aura jamais de dernier jour Pour ton amour élégance je ferai toujours demi-tour Kenda elegance le comme la bestie jardinier La bestie comme on a eu à chaque fleur et jardin La rose va pétunia, ma orchidée va jasmin Une petite caca tout ce que je t'aime Une petite caca lis-moi je t'aime quoi Une petite caca coignurina je t'aime Une petite caca lis-moi je t'aime Yo tika ko trompe nga yo teme Yo tika ko peza ma wa je teme Yo tika ka ko silika je teme Yo tika ko trompe nga yo teme Yo tika ka ko nire nga je teme